Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, la marche des sciences. Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Marche des Sciences, émission spéciale Grand Portrait, aujourd'hui dédiée à Tim Flannery. Tim, c'est vraiment quelqu'un de très charismatique. C'est quelqu'un qui est capable d'être à la fois très compétent, très travailleur, mais aussi très simple. Il a toujours un langage très simple, beaucoup de bon sens, et peut-être ce qui apparaît le plus dans la personnalité de Tim, c'est l'honnêteté de son engagement. Tim Flannery est un homme qui ne laisse personne indifférent. Mammalogiste, paléontologue, il est aujourd'hui l'un des scientifiques australiens les plus connus au monde, mais c'est son engagement de militant écologiste qui a fait de lui un personnage médiatique incontournable. Ancien conseiller sur les changements climatiques auprès du Premier ministre de l'Australie méridionale, nommé Australien de l'année en 2007, cet homme, d'abord tourné vers les fossiles, est devenu un alerteur en campagne, un scientifique dont le plaidoyer pour la planète Terre reste teinté d'optimisme. Des recettes pour réussir la transition énergétique pour demain, il en a, tant du côté des puissants et des décideurs que du côté des citoyens qui, avec des petits riens au quotidien, peuvent changer la donne. Et même si bien des espoirs ont été brisés au fil de conférences mondiales, ils gardent le sentiment que les choses peuvent encore changer, que par l'activisme, les projets communautaires et la création d'entreprises vertes innovantes, les jeunes générations pourront se créer un monde meilleur. Rencontre aujourd'hui sur France Culture avec ce scientifique atypique, Tim Flannery, directeur du laboratoire de zoologie de l'Australian Museum de Sydney, chercheur, enseignant, pédagogue, auteur du livre fameux « Les faiseurs de pluie » et auteur tout récemment de deux ouvrages « Sauver le climat, tout est encore possible » édité chez Bûcher Châtel et puis « Agissons pour sauver la planète », un livre paru chez Héloïse Dormesson. Une émission émaillée d'archives sonores de l'INA, dénichée par Anaï Morales. Une émission préparée avec la complicité de Catherine Donnet et puis orchestrée avec Catherine Decopé qui a réalisé des interview surprise auprès de proches de notre invité. Et puis à nos côtés, le traducteur Xavier Combes, Tim Flannery, des fossiles au vivant, un optimiste en campagne. C'est quelqu'un qui est toujours capable de réfléchir peut-être en dehors des boîtes, je dirais, out of the box. Et il ne se laisse pas prendre dans des raisonnements routiniers ou moutonniers et il va être capable de prendre un dossier, de l'analyser et de faire des remarques qui sont souvent originales, souvent extrêmement vraies et toujours constructives. Bonjour Tim Flannery. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre les propos de votre ami Robert Calcagno au micro de Catherine Decopé, qui est directeur de l'Institut Océanique Fondation Albert Ier, Prince de Monaco. Il répondait aux questions de Catherine Decopé. Et donc il disait de vous que vous êtes quelqu'un qui pense out of the box, hein, c'est-à-dire en dehors des frontières, en dehors des modes classiques de pensée. I suppose it is true. J'imagine que c'est vrai que je pense de manière iconoclaste. À vrai dire, j'ai étudié la littérature anglaise et l'histoire au début de mes études, puis j'ai étudié la géologie, puis la zoologie. Ensuite, je me suis intéressé à des études muséales. Donc, mon parcours universitaire est un petit peu étrange, différent, et ça me permet d'avoir cette pensée iconoclaste, justement. Alors, vous êtes paléontologue, mammalogiste. Mammalogiste, il faut peut-être préciser ce que c'est, hein, c'est spécialiste de petits mammifères. Non, il y a de grands mammifères auxquels je m'intéresse aussi, mais c'est là que c'est vers là que va mon cœur. J'ai étudié l'évolution de des kangourous pour mon doctorat, et il y a quatre espèces de kangourous qui vivent dans les arbres que j'ai étudiés et qu'on ne connaissait pas à l'époque de mon doctorat. Il y a un grand kangourou qui ressemble à un panda, c'est un kangourou noir et blanc qui vit dans les montagnes. Donc les mammifères, j'adore les mammifères, je passe ma vie à les étudier, et les mammifères ont beaucoup à nous dire quant à notre monde et notre environnement. Évidemment, nous, êtres humains, nous sommes des mammifères. Et on aura l'occasion d'en parler dans cette émission avec vous, Tim Flannery. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez eu une enfance qui vous a sensibilisé à l'environnement ? J'étais très sensible à l'environnement lorsque j'étais enfant parce que j'ai vécu à la périphérie d'une très grande ville, Melbourne, qui était en pleine expansion. Donc, entre l'âge de 8 et 12 ans, et je bâtissais des cabanes dans les arbres, je regardais des animaux et tout cela disparaissait parce qu'il y avait des bulldozers qui venaient tout raser pour bâtir des usines et des immeubles. Je me souviens d'une conversation avec ma mère et je lui dis, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, mais c'est le progrès. Et là, je me suis dit que le progrès, c'était pas vraiment formidable pour l'enfant que j'étais et je voulais pas y participer. Et je tenais beaucoup trop à ce monde naturel. Alors, je crois que vos parents n'étaient pas des scientifiques et que à la maison, vous n'étiez pas forcément entouré de livres. Qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant pour vous qui a fait que vous êtes devenu paléontologue? À l'âge de 8 ans environ, j'étais à la plage et j'ai trouvé un petit fossile. C'était une espèce de petite pierre. Je ne savais pas que c'était un fossile. Et en tout cas, il y avait un motif très joli dessus. J'ai apporté cela à la bibliothèque municipale et j'ai demandé à la bibliothécaire de quoi il s'agissait. C'était un bibliothécaire, en fait, et il m'a dit, je ne sais pas, mais amène cela au musée et on t'expliquera ce que c'est. J'ai pris le train, je portais un short, et j'avais un petit sac à dos, donc en bon écolier que j'étais, et j'ai apporté ce petit fossile au musée. Et le musée, c'était immense, il y avait des portes, des colonnes, c'était immense ce bâtiment. Donc j'entre et je rencontre un garde, quelqu'un de la sécurité qui appelle quelqu'un, arrive un monsieur en blouse blanche qui m'a fait monter vers la zone de recherche et de collection du musée. Je me souviens avoir vu une momie égyptienne, c'était formidable pour moi de voir ça. Il a ouvert un tiroir, il y avait plein d'armoires, plein de fossiles, et il a sorti un autre exemplaire de ce que j'avais trouvé sur la plage. Et je me souviens de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est Lavinia Forbesheim. Et je me suis dit, eh, c'est très intéressant ça. Il a ouvert un autre tiroir et il m'a dit, est-ce que tu t'intéresses aux dinosaures? Mais j'ai dit, mais oui, bien sûr. Et il y avait un os de dinosaure. C'était le seul os qu'on avait trouvé dans mon état de Victoria. Il m'a montré cet os de dinosaure qui ne faisait que quelques centimètres ou dizaines de centimètres de long. Il l'a mis dans ma main et j'étais, comment dire, bouleversé à jamais. C'était ça, le point qui a déclenché mon désir de devenir paléontologue. Alors finalement, c'est ce qui va déclencher votre choix professionnel qui a mûri dès l'enfance, Tim Flannery. Vos rêves de gamin vont devenir réalité et grâce notamment au docteur Thomas Rich qui était donc à la tête de ce muséum. Vous allez faire des études brillantes, maîtrise en sciences de la Terre à l'Université Monash, un doctorat en paléontologie, un doctorat aussi sur l'évolution des, comment dit-on, macropodidae. Macropods, kangaroos, in fact. Les macropodes, il s'agit des kangourous, tout bêtement. Et alors, vos premiers travaux scientifiques portaient sur quoi ? Je me suis intéressé aux kangourous, aussi bien sous forme fossilisée que des kangourous vivants. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu travailler sur le terrain pour regarder des fossiles de kangourous dans le centre de l'Australie. Aujourd'hui, le centre de l'Australie, c'est un immense désert avec des lacs salés, des dunes de sable. C'est donc un environnement particulièrement aride. Mais en bordure de lacs salés, j'ai trouvé des sédiments qui dataient d'il y a environ 30 millions d'années, à l'époque où le centre de l'Australie était comme l'Amazone, donc une zone de forêt tropicale. Et je me souviens avoir pu prendre de l'argile dans ma main et sentir l'odeur de la forêt tropicale, de la jungle. Donc, nous avons étudié ces sédiments, nous avons recherché des os et j'ai trouvé de tout petits os de la taille d'une allumette ou d'une tête d'allumette qui étaient des os des plus anciens kangourous que l'on connaisse. Et dans le cadre de mes études de doctorat, c'était très important parce que j'ai essayé d'établir la date à laquelle les kangourous ont commencé à évoluer et à se diversifier. Et ils se posaient des questions fondamentales, à savoir pourquoi le kangourou saute-t-il ainsi. Voilà le genre de questions qu'on se posait. Donc c'était tout à fait passionnant. Et puis vous avez aussi investi la Nouvelle-Guinée au contact de certaines tribus anciennement cannibales. J'ai passé 20 ans dans les îles pacifiques alors que j'étais conservateur du musée d'Australie. J'ai mené 26 expéditions en Nouvelle-Guinée. Et c'était une expérience particulièrement fascinante pour moi. Je suis tombé amoureux du pays et à l'origine, je suis allé en Nouvelle-Guinée pour des raisons assez paradoxales. Je me disais que dans les montagnes de Nouvelle-Guinée, je découvrirais des habitats tels que ceux que j'avais trouvés sous forme fossilisée en Australie centrale. Mais j'avais tort en réalité. Mais c'était une erreur fortuite, appelons cela comme ça. Et en ce faisant, dans ces expéditions, j'ai découvert en Nouvelle-Guinée un monde de mammifères pratiquement inconnu. Les petits mammifères étaient relativement bien connus parce que les gens utilisaient des pièges en Nouvelle-Guinée depuis plus d'un siècle, mais les grands mammifères, quant à eux, n'étaient pas si bien connus. Tout simplement parce qu'ils vivent dans des zones reculées, difficiles d'accès, et parce que pour trouver ces animaux dans une forêt d'une très grande densité, il faut vivre auprès des peuples autochtones de Nouvelle-Guinée. Et cela a été considéré comme dangereux à l'époque. Moi, je me suis trouvé très à l'aise auprès de ces gens-là. Et donc, je me rendais dans la forêt avec un groupe d'hommes, souvent des hommes âgés, qui avaient énormément de connaissances sur les animaux. Et le soir, nous faisions un feu de camp, nous parlions des animaux. Eux, ils imitaient les animaux, leur comportement, leurs cris, la façon dont ils se nourrissaient. Et puis ensuite, ils menaient des cérémonies avec leurs chiens pour que les chiens sachent chasser, et ensuite, dès le lever du soleil, ils partaient à la recherche d'animaux pour les manger, évidemment. Mais moi, je voulais voir ces animaux. Peut-être que c'était une espèce nouvelle, inconnue, et c'était bien souvent le cas. C'était parfois un animal qu'aucun Européen n'avait jamais vu de ses yeux. Parfois, c'était un rat d'un mètre de long, inconnu de tous les scientifiques. Parfois, il s'agissait d'un kangourou d'arbre qui ressemblait à un petit panda, comme je vous l'ai dit. Nous avons trouvé 30 nouvelles espèces de mammifères au total. Et c'était tout à fait extraordinaire parce que il n'y a que 300 espèces de mammifères en Nouvelle-Guinée. Mais j'ai eu beaucoup de chance en plus de cela parce qu'on a trouvé un trésor fossilisé. Il n'y avait pas une seule espèce de la mégafaune de Nouvelle-Guinée qui était connue avant mon travail là-bas. Et on a retrouvé des ossements dans des cavernes, dans des rivières. Et cela nous a permet de mieux comprendre 7 espèces de marsupiaux géants disparus aujourd'hui. Certains de ces marsupiaux étaient de la taille d'un grand ours brun, mais c'est extraordinaire. Imaginez cette grande île dont la mégafaune, donc la faune ancienne, était totalement inconnue. Alors on sent bien sûr à travers vos propos, Tim Flannery, cet amour de la nature. Et puis vous êtes aussi quelqu'un qui aimait les choses simples. On va en prendre la mesure en repartant du côté de votre ami Robert Calcagno, interviewé par Catherine Decopé. Je rappelle qu'il est directeur de l'Institut Océanique Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, et que vous-même vous faites partie du conseil d'administration de cet institut. C'est quelqu'un qui vient à Monaco un peu comme il va explorer le bush. Hein. Il est là, il est souvent dans des tenues vestimentaires un peu confortables, surtout au niveau des chaussures. Et si jamais on n'a pas de voiture ou quand l'autobus est en retard ou autre, on y va à pied. Et c'est un homme, on le voit, qui aime la nature, qui aime les autres hommes et qui est prêt à vivre de façon très, très simple, donc en accord avec ses engagements. Il a une superbe maison un peu au nord de Sydney, dans ce Sydney Harbour, qui est une succession en fait de rivières qui vont jusqu'au Blue Mountains. Et il ne peut accéder à sa maison qu'en bateau, ce qui montre bien un peu le caractère original de son choix. Voilà ce que je sais de Tim. Alors une réaction peut-être, Tim Flannery, à ses propos. Robert, c'est vrai que je considère que la vie est une aventure. Ce n'est pas la peine d'aller en Nouvelle-Guinée pour mener des études anthropologiques. Moi, des gens intéressants, j'en vois partout, ici en France, par exemple, ou à Monaco, par exemple. Et j'aime bien me promener à pied, parce qu'à pied, on voit bien plus de choses que dans une voiture ou dans un bus. Moi, je préfère marcher, j'adore marcher. Monaco, c'est certes un endroit qui n'est pas très plat, mais j'aime y marcher. J'aime bien arpenter les rues. Où que j'aille, je trouve quelque chose d'intéressant, que ce soit dans les montagnes de Nouvelle-Guinée ou en ville. La ville, les êtres humains, la nature sont d'une diversité infinie. Il y a toujours un objet de fascination sous les yeux. Alors Tim Flannery, vous avez eu un parcours universitaire plus que de qualité, hein, professeur à l'Université d'Adélaïde, directeur du muséum de cette ville, puis chercheur à l'Australian Museum de Sydney, professeur associé pour la chaire d'études sur l'Australie à Harvard. Est-ce que dans votre parcours, vous avez suivi la voie de modèle ? Oui, c'est vrai que j'ai des modèles. Il y a Fridtjof Nansen, explorateur polaire norvégien. De retour de ses expéditions, il a consacré sa vie, c'était dans le cadre de la Société des Nations. Et c'est un grand explorateur. Et puis, il a décidé de rendre à l'humanité un certain nombre de choses. C'était tout à fait fantastique. Alfred Russel Wallace, ça c'est un explorateur du 19e siècle, un homme merveilleux. Lui, il a exploré des endroits que personne n'avait jamais vus auparavant et il a rapporté des informations très précieuses sur la biodiversité. Luigi Maria d'Albertis, italien qui s'est rendu en Nouvelle-Guinée et c'est le premier qui est arrivé dans les montagnes de Nouvelle-Guinée. Voilà les modèles, voilà mes héros. Et puis on va vous faire écouter justement, non pas la voix d'un héros, puisque c'est un héros du XVIIIe siècle, mais au moins une fiction qui le concerne, extrait de l'émission La Tribune de l'Histoire du 14 janvier 1989 sur France Inter, et ce modèle c'est La Pérouse. Monsieur La Pérouse, j'ai grande confiance en vous. Votre Majesté est trop bonne. Je connais votre sentiment d'humanité, aussi ai-je pensé à vous pour commander une longue exploration. Où Votre Majesté m'envoie-t-elle ? Votre expédition devra traverser l'Atlantique et gagner le Pacifique. Là, il vous faudra explorer tous les rivages de l'extrême sud à l'extrême nord et redescendre du détroit de Bering et de l'Alaska, de la Sibérie orientale jusqu'aux régions antarctiques. Il s'agit pour vous d'une manière d'espionnage comprenant toutes les régions et tous les domaines, l'économie, les matières premières, les conditions politiques, même dans les contrées déjà touchées par la civilisation. Je comprends très bien les sentiments de Votre Majesté. Alors, ce La Pérouse, Tim Flannery, expédition autour du monde, hein, et qui a disparu du côté de Vanikoro, lui comme Dumont d'Urville, comme Bougainville, ce sont ces grandes expéditions qui vous fascinent, hein, celles du XVIIIe siècle. Oh, I am so fascinated by them. Oui, tout à fait fasciné. Et admiratif de ces expéditions. Et ce qui m'étonne lorsque je viens en France, c'est que je ne vois pas de relation par rapport à ces expéditions si glorieuses, si formidables. Les grandes expéditions des 18e et 19e siècle n'étaient pas britanniques, elles étaient françaises. Les grandes découvertes étaient françaises. L'eucalyptus a été nommé par un Français. L'eucalyptus, c'est l'arbre national d'Australie. Et on a tendance à l'oublier. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un de mes grands héros, c'est François Perron. Il vient d'un village du Massif central, Serrilly, c'est un tout petit village du Massif central, et il y a de nombreuses années, je suis allé rendre hommage à cet homme pour aller voir son monument. J'ai apporté des fleurs que j'avais achetées à Paris, je suis parti en voiture, donc je me rends là-bas, j'ai déposé des fleurs devant le monument. C'est un tout petit monument au milieu de ce petit village. Il y a des sculptures de kangourous et d'aborigènes. Et puis ensuite, je me rends à l'auberge pour aller manger un morceau. Il n'y avait que des gens du village qui étaient là. Bon, il y avait un menu fixe, machin, pas beaucoup de choix. Et le propriétaire de l'auberge vient vers moi et me dit, on vous a vu, vous vous comportez bizarrement dehors. Qu'est-ce que vous faisiez? Et j'ai dû expliquer que cet homme, François Perron, était un héros qui avait découvert la biologie en Australie. Et il a beaucoup apporté à l'Australie. Il a dit, mon Dieu, je ne savais pas du tout. Donc, il a sorti un petit livret qui avait été publié lors de la Première Guerre mondiale et il y avait une petite description du monument tel qu'il avait été érigé à l'époque. Donc, c'est assez extraordinaire. On a eu une discussion tout à fait formidable par la suite sur la façon dont il faut cuire la viande de kangourou et ainsi de suite. Bref, c'était une expérience humaine très chouette. Tout ça pour dire que ce serait merveilleux si la France et les Français pouvaient redécouvrir et remettre à l'honneur cet âge d'exploration française si formidable. C'est une belle idée, Tim Flannery, et se réapproprier ces grands moments. Et c'est vrai que ce François Perron était naturaliste, zoologiste, et qu'il avait participé à l'expédition Baudin vers l'Australie en 1803, il faut le préciser pour nos auditeurs. À quel moment est-ce que vous vous êtes senti, dans tout ce parcours riche qui est le vôtre, Tim Flannery, concerné par l'avenir de la planète et la question du réchauffement climatique ? Je me suis réveillé au danger auquel nous sommes confrontés lorsque j'étais en Nouvelle-Guinée. J'étais dans la montagne et je voulais en savoir davantage sur l'environnement alpin en Nouvelle-Guinée. Et partout, je me rendais compte que la limite des arbres ne cessait de se déplacer. J'ai fait plus d'études, je me suis renseigné sur le dérèglement climatique et là je me suis rendu compte qu'il y avait un phénomène universel qui menaçait ces environnements alpins dans les montagnes tropicales de Nouvelle-Guinée. Les arbres poussaient à une altitude de plus en plus élevée. J'étais mammalogiste à l'époque, donc je ne me préoccupais pas autant du changement climatique que j'aurais dû le faire. Mais en 99, il m'est apparu très évident que le changement climatique constituait une véritable menace. J'ai eu la possibilité de présider quelques réunions pour le gouvernement d'Australie du Sud et j'ai lu beaucoup d'articles de Nature et de Science pour m'intéresser à cette problématique et il m'est apparu avec une très grande clarté que le grand problème qui pèse sur nous, c'est le dérèglement climatique. En tant que scientifique qui a la possibilité de voir les choses sur le terrain, si moi je me rends compte du changement climatique, eh bien, d'autres s'en apercevront aussi. Et si moi j'ai du mal à comprendre, il faut savoir que les autres citoyens du monde auront encore plus de mal à comprendre. Donc j'ai commencé à me renseigner, puis j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les faiseurs de pluie ». Un livre à succès. Alors, tout de suite, on se pose cette question, Tim Flannery. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez laissé tomber la paléontologie, la zoologie, les recherches que vous faisiez pour vous consacrer uniquement à cette grande cause? À cette époque, j'étais conservateur de musée. Je l'étais depuis 6 ou 7 ans et j'avais donc de grandes responsabilités. J'avais une équipe à diriger et ainsi de suite. Donc, ce poste, je l'ai gardé pendant encore 2 ans pour m'assurer la sécurité financière dont le musée avait besoin. Puis, j'ai démissionné. J'ai dit à Sir David Attenborough, qui était un ami très proche, que je ne pouvais pas poursuivre à plein temps parce que je me sentais l'obligation de travailler sur ce problème du réchauffement climatique. Donc, j'ai quitté cet emploi permanent, j'ai pu travailler un petit peu dans les milieux universitaires, j'ai essayé de vivre de mes écrits, de mes conférences, j'ai travaillé au Conseil de Copenhague, qui a travaillé jusqu'à la COP à Copenhague, et puis j'ai été nommé en 2011 responsable au commissaire au climat australien. Par conséquent, là, je me suis engagé à plein temps dans cette problématique. En tout cas, pour vous, ce livre-là, Les faiseurs de pluie, et puis ce nouvel engagement, c'est aussi le début de nombreuses rencontres formidables, comme celle notamment avec Olivia Chow, qui est députée du Nouveau Parti démocratique au Canada et dont l'époux était Jack Layton. On l'écoute au micro de Catherine Decopé. J'ai rencontré Tim Flannery il y a pas mal d'années, à vrai dire. Il était en promotion pour son livre « Agissons pour sauver la planète » ici au Canada, dans sa version anglaise. Et ma première impression de lui, c'est que c'était un homme scientifique, rigoureux, mais chaleureux, qui avait une bonne compréhension de la science, mais aussi de la politique. Dès notre rencontre, mon défunt mari a bien compris le rôle que Tim Flannery jouait, aussi bien à l'échelle nationale chez lui en Australie qu'à l'échelle internationale, de par ses ouvrages et son travail d'une façon générale. À l'époque, il a remis un exemplaire de son livre « Agissons pour sauver la planète » au Premier ministre canadien Harper, et puis on a pu voir l'ampleur et l'efficacité de son travail en Australie. Nous sommes vus au sommet pour la Terre à Copenhague, et on a pu voir à quel point il savait s'y prendre avec les différentes parties de cette COP. Et même lorsqu'il n'y avait pas un impact direct avec les gens avec qui il travaillait, il arrivait néanmoins à toujours mobiliser les gens pour faire avancer les choses, parce qu'il a un grand sens pédagogique. C'est un optimiste, je vous l'ai dit. Il écrit de manière remarquable, et puis il a une forte implication politique. Donc c'est quelqu'un qui a en effet un fort retentissement sur la façon dont les choses avancent ou devraient avancer s'agissant de dérèglement climatique. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Tim Flannery, l'impact de ce premier livre, Les faiseurs de pluie, vous a surpris? C'est allé bien au-delà de vos espérances. J'étais extrêmement surpris par le succès de ce livre. Moi, j'avais l'impression que j'avais écrit un livre qui intéresserait les étudiants ou éventuellement quelques universitaires, mais en réalité, le lectorat s'est avéré beaucoup plus vaste que cela. Richard Branson a lu le livre. Il m'a invité à venir parler à un peuple dans les îles Vierges, et j'ai été tout à fait reconnaissant de voir que des grandes entreprises ou des grands chefs d'entreprise pouvaient s'intéresser à ce sujet. Il y a deux ans. J'étais en Chine dans le cadre d'un documentaire et j'ai reçu une invitation du président de l'Académie chinoise d'ingénieurs, et il voulait tenir un banquet à mon honneur. Donc j'ai dû arrêter le documentaire, j'ai dû me trouver un costume pour assister à cet événement. Il m'a expliqué qu'il voulait simplement me remercier d'avoir écrit ce livre qui a été traduit en mandarin. Lui-même était physicien nucléaire et il n'avait pas très bien compris les tenants et les aboutissants du changement climatique avant la lecture de mon livre. Et j'étais tout à fait reconnaissant parce qu'évidemment la Chine, c'est un grand émetteur de gaz à effet de serre. Et l'Académie d'ingénieurs de Chine, c'est là que se trouvent tous les décideurs du Politburo, si je puis dire. Donc, en croisant les doigts, j'espère avoir apporté une certaine influence sur leur façon de voir les choses. Et alors, au moment où vous écrivez ce livre, il y a, où le livre est publié, Al Gore publie Une vérité qui dérange. Vous dites dans votre livre, faire la pluie et le beau temps, il y a 10 ans, on pouvait encore changer la donne, stabiliser la cryosphère, sauver 90% des espèces menacées, limiter l'impact des catastrophes météorologiques. C'était ça la parole que vous donniez? Oh, look, I wish that we had acted 10 years ago. Il aurait fallu qu'on agisse il y a 10 ans. Il aurait fallu agir à Copenhague. Mais bon, nous sommes à Paris, c'est la COP21. Ça fait 21 ans qu'on essaye d'arriver à un accord avant d'agir. Je ne dirai jamais que c'est trop tard, mais il faut tout de même reconnaître qu'il y a une quantité énorme de gaz à effet de serre dans l'atmosphère aujourd'hui. Et je crains que cela ne signifie qu'il faut vraiment trouver d'autres solutions en plus. Plus la réduction de ces émissions. Il y a 10 ans, j'ai écrit sur les possibilités qu'offrent les biotechnologies pour faire sortir le CO2 de l'atmosphère, pour vraiment changer la donne en faveur de l'avenir de la vie sur la planète. Et alors, Tim Flannery, vous êtes australien. L'Australie est un pays peu vertueux par rapport à ce réchauffement climatique. Il détient le record d'émissions de gaz à effet de serre par habitant. Hein. 90% de l'électricité provient du charbon. Vous êtes aussi issu d'un pays qui n'a pas signé le protocole de Kyoto en 1997 et qui a même fait pression sur les pays voisins iliens du Pacifique. Quand vous avez eu une mission auprès du Premier ministre de l'État d'Australie méridionale en 2001 pour réfléchir notamment aux moyens de réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre, est-ce que vous avez eu le sentiment que là, vous deveniez un vrai levier ? Lorsque j'étais nommé commissaire au climat en Australie, je n'avais pas conscience de la difficulté. Parce que l'Australie, c'est un paradoxe. Je vais vous expliquer pourquoi. D'une part, nous avons des impacts très extrêmes sur le climat. Nous avons beaucoup de gens qui meurent de la canicule, d'incendies dans le bush et ainsi de suite. Notre grande barrière de corail est constamment menacée. Donc le public australien est bien conscient des dangers auxquels nous sommes confrontés. Mais en même temps, l'un de nos grandes industries, c'est l'exploitation des mines de charbon. Il y a quelques années, nous étions à la tête d'une industrie du charbon transporté par la mer, plus importante que le transport par la mer du pétrole dans les mains de l'Arabie Saoudite. Et donc, un environnement très difficile. Et moi-même, j'étais menacé, j'avais des gardes du corps. Et je peux vous dire que c'était une époque particulièrement dure pour moi, malheureusement. Et finalement, vous avez été évincé de ce groupe, justement, de ce monde politique, hein, assez cruellement, on peut dire. Oui, vous avez raison de dire cela. Je travaillais pour un gouvernement de gauche en tant que commissaire australien pour le climat. Un nouveau gouvernement a été élu, c'est un gouvernement de droite. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est de me licencier. Je pense que j'étais le parfait symbole de leur politique. Mais mes autres commissaires et moi étions frustrés parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Donc nous avons demandé un financement au public australien, 4 jours après notre licenciement. Et on a pu avoir $1 million australiens, d'Australiens, de citoyens qui nous encourageaient. Aujourd'hui, nous sommes à la tête d'une organisation qui compte 3 fois plus de salariés que notre équipe dans le secteur public. Donc, le public australien veut que l'on s'attaque à ces problèmes de manière très sérieuse. Mais en même temps, on voit la réticence des gouvernements à vraiment faire ce qu'il faut faire pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning? And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, with these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me. It C'était First Day of My Life, Bright Eyes, un choix de notre réalisatrice Alexandra Malkaï. C'est la suite de la Marche des sciences sur France Culture, en compagnie de Tim Flannery, mammalogiste et paléontologue, un chercheur optimiste en campagne pour la défense de la planète face au changement climatique. Il est ancien conseiller sur les changements climatiques auprès du Premier ministre de l'Australie méridionale. Il dirige le laboratoire de zoologie de l'Australian Museum de Sydney et il a tout récemment commis deux livres, Sauver le climat, tout est encore possible, un livre édité chez Buchet-Chastel et puis un autre ouvrage paru chez Héloïse d'Ormesson, Agissons pour sauver la planète. Une voix en tout cas qui se fait entendre, un alerteur optimiste qui aime marcher dans la nature, regarder les espaces et les abysses. Alors Tim Flannery, en dehors justement de votre combat mené, de vos passions pour les fossiles, est-ce que vous avez d'autres passions justement ? J'ai de nombreuses autres passions. Il n'y en a que quelques-unes que je peux vous révéler. Mais j'aime beaucoup lire des livres d'histoire. J'aime bien être en compagnie de gens charmants. J'aime bien marcher dans le bush. Je fais du kayak. Je fais de la plongée. Et de l'ornithologie en tant qu'amateur, je vais voir des expositions dans des musées, il y a beaucoup de choses dont on peut profiter dans la vie. Et vous nous donnerez la recette parce que vous trouvez le temps aussi pour accomplir tout cela et vous remplissez un rôle à travers les instances scientifiques ou les fondations. Je crois que vous appartenez à l'Académie des sciences en Australie. Oui, je suis membre de l'Académie des sciences et j'ai diverses responsabilités professionnelles, mais il faut quand même consacrer du temps à soi-même. Il faut bien faire son travail, mais il faut toujours trouver le temps de se ressourcer. Et moi, j'aime bien la compagnie des autres, j'aime bien lire des choses ou bien profiter de la nature. C'est important. Il faut avoir une vie équilibrée, vous ne pensez pas ? Si, c'est également un peu la règle à la marge des sciences. Hein. Je me tourne vers l'équipe et ça sourit et on me dit oui, bien sûr, derrière la vitre, forcément. Dans toutes circonstances, Tim Flannery, en tout cas, vous relevez le gaspillage inutile pratiqué sur la planète. Alors on va retourner du côté de Robert Calcagno qui nous rapporte une anecdote et confiée à Catherine de Copé. Nous avions été invités à tenir ce conseil à Palm Springs, donc au milieu du désert. Et je me souviens, on était dans un hôtel où il faisait chaud, la climatisation était à fond, et nous avions un feu artificiel au niveau du foyer. Partout ailleurs, il y avait un grand gazon tout vert dans un désert, et Tim disant « but that's obscene !» Et on discutait avec le directeur de l'hôtel pour essayer de lui faire comprendre qu'il y avait quand même un certain nombre de sobriété qu'il fallait prendre en compte. Ça ne veut pas dire devenir triste, ça ne veut pas dire ne plus s'amuser, mais enfin on peut quand même pas faire n'importe quoi et gaspiller les ressources en eau, gaspiller les ressources en énergie, produire des gaz à effet de serre, simplement pour avoir un gazon au milieu du désert et un feu au milieu d'une pièce air-conditionnée, aujourd'hui ce n'est plus possible. Tim Flannery, alors une réaction ? Et puis dites-nous aussi si au quotidien, dans votre propre vie, vous avez changé des choses. Oui, je me souviens très bien de cette anecdote. Du reste, c'était assez dérangeant pour moi de voir cette ville, Palm Springs, au milieu d'un désert que moi je trouve très beau. Moi j'aime bien le désert en tant que désert. Et là, à Palm Springs, on avait mis ce grand gazon, cette pelouse particulièrement verte, mais l'eau que l'on utilisait, c'était de l'eau, de nappes phréatiques très profondément enfouies depuis des milliers d'années. Donc moi, je me suis senti l'obligation de parler. Et donc, nous avons parlé au directeur de l'hôtel pour dire que, monsieur, vous êtes dans un désert magnifique, peut-être que les visiteurs aimeraient bien voir les animaux et la faune et la flore du désert plutôt que cette pelouse obscène. Et puis, éteignez-moi ce feu de cheminée-là qui ne fait que émettre des gaz à effet de serre dans aucun but intéressant. Mais pour répondre à votre question, moi j'essaye de réduire mes émissions personnelles. Oui. Par exemple, j'ai une voiture hybride, j'ai des panneaux solaires sur le toit de ma maison à Sydney, et c'est vrai que j'ai quelques plaisirs coupables. J'aime bien boire du Bordeaux. C'est vrai que le Bordeaux vient de très loin pour aller en Australie, mais je devrais limiter ma consommation de Bordeaux. Mais évidemment, je dois voyager pour mon travail. Je voudrais pouvoir voyager à bord d'avions fonctionnant avec des biocarburants, mais ça n'existe pas. Mais je fais de mon mieux au quotidien. Et quelles sont les modifications, alors, de tant animal que végétal, qui vous affectent le plus aujourd'hui, Tim Fanry? Ce que je déteste voir, c'est la destruction de la forêt tropicale en Nouvelle-Guinée. Il y a des sociétés forestières qui arrivent en Nouvelle-Guinée pour abattre les arbres. Le dérèglement climatique a d'autres impacts. Nous connaissons des événements El Niño qui apportent la givre en Nouvelle-Guinée et d'anciennes forêts sont ainsi détruites. Donc, ce sont des évolutions qui me brisent le cœur parce qu'ils détruisent la nature. Sinon, s'agissant de l'environnement marin en Australie, là, l'environnement marin est aussi précieux que la terre. La Grande Barrière de Corail constitue un trésor extraordinaire. C'est impossible de le décrire. Cette Grande Barrière est si diverse, il faut la voir pour comprendre. Mais il y a eu un événement qui a détruit 60% de la barrière, mais la moitié de la barrière est encore détruite. Elle se reconstitue, mais beaucoup trop lentement. Moi, je veux que mes enfants puissent jouir des plaisirs que j'ai connus au cours de ma vie. Je ne veux pas qu'ils vivent dans un monde appauvri. Alors, j'ai dit que vous étiez un chercheur, un scientifique en campagne, mais que vous restiez optimiste, Tim Flannery. Dites-nous, quelles sont les solutions viables que vous avez référencées et qu'il faudrait justement appliquer aujourd'hui? J'avoue être optimiste, mais j'avoue également être têtu. Je suis quelqu'un de particulièrement obstiné. Je dois dire qu'au cours des 10 dernières années, il est très difficile de voir les gaz à effet de serre suivre la pire tendance que l'on ait pu imaginer. Je sais qu'il faut que l'on agisse et que l'on réduise. Depuis, pendant 8 ans, j'ai été incapable d'écrire quoi que ce soit après avoir rédigé Les Faiseurs de pluie. Mais il y a environ 2 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait des solutions. Grâce aux nouvelles technologies, on peut retirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère dans une certaine mesure. Et, par exemple, on n'en parle pas à la COP21 à Paris. On ne parle pas de cela. Et pour autant, on sait que ce problème de gaz à effet de serre est devenu si important que la seule façon d'agir, c'est d'utiliser ces technologies pour réduire les émissions. Les technologies elles-mêmes, on peut les classer en différentes catégories. Tout d'abord, vous avez les catégories biologiques. On peut planter des arbres pour réduire le dioxyde de carbone. Mais sinon, on peut en mettre en place des fermes d'algues. Vous savez, les algues marines poussent très très vite et font une séquestration très importante du carbone. Il y a une étude qui montre que si on peut recouvrir 9% de la surface des océans avec ces exploitations d'algues, on pourra réduire les émissions de gaz à effet de serre en l'espace d'un an de manière significative. Voilà des solutions réalisables. Et il y a d'autres technologies qui ne sont, elles, pas biologiques, mais industrielles et qui, elles aussi, pourraient avoir un impact tout à fait bénéfique. Et donc favoriser les énergies éoliennes, solaires et nucléaires. Oui, pour ce qui est du reverdissement de l'énergie, évidemment, l'éolien et le solaire vont jouer un rôle important. Peut-être le nucléaire aussi, mais l'énergie nucléaire est de moins en moins utilisée, alors que l'éolien et le solaire ne font que croître proportionnellement. Donc, quel doit être le mix énergie? Quel est le bon équilibre à trouver? On n'en est pas tout à fait certain, mais en tout cas, il faut arrêter le pétrole, le gaz et le charbon. Et il faut arrêter de consommer ces carburants très rapidement. Et se tourner vers la biomasse, c'est aussi votre message. Oui, la biomasse, sans hésiter. Mais je pense qu'il existe des technologies qui nous permettent de stocker l'énergie du soleil pour avoir une alimentation permanente d'électricité. On peut utiliser des batteries, mais il y a des technologies encore plus simples que ça. Il y a une société italienne, par exemple, qui utilise le sable comme mécanisme de stockage pour la chaleur du soleil. Et à 550 degrés Celsius, on peut dégager de la vapeur, de la chaleur ainsi stockée dans le sable. En 10 ou 20 ans, à mon avis, on a assisté à un reverdissement de notre alimentation électrique. Je vous propose, Tim Flannery, de retourner du côté d'Olivia Chow, qui, je le rappelle, est députée du nouveau Parti démocratique au Canada et qui a répondu aux questions de Catherine Decopé. Elle nous en dit un petit peu plus sur votre capacité à sensibiliser, à éveiller les consciences. Many scientists just talk about the world with the heat waves. Bon nombre de scientifiques nous parlent de vagues de chaleur, d'accroissement de la température, de sécheresse, d'inondations, d'épisodes météorologiques extrêmes. Mais Tim Flannery, lui, bien qu'il soit conscient de tout cela, évoque également les possibilités, toutes les innovations qui sont à notre portée, que nous mettons en œuvre, par exemple l'éolien, le solaire. Il nous explique en quoi on peut améliorer, et on améliore d'ailleurs les choses. Il nous donne des idées qui marchent d'ailleurs par-ci par-là dans le monde, et ainsi il nous fait toucher du doigt un espoir dont on a bien besoin dans le cadre de la COP21. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Cet espoir dont parle Olivia Chow, elle nous disait aussi que vous aviez cette façon d'interpeller. Chaque citoyen doit participer au combat contre le réchauffement climatique parce que nos comportements quotidiens sont responsables, il faut le rappeler, de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Alors comment est-ce que vous choisissez d'interpeller? Quelles armes utilisez-vous? Lorsque j'étais commissaire au climat en Australie, je me suis adressé à des dizaines de milliers de personnes partout en Australie. Et je me suis aperçu que les gens sont habités d'une très grande sagesse. Le citoyen comprend très bien le besoin qu'il y a à préserver l'environnement. Les gens comprennent qu'il y a de la pollution lorsque l'on génère de l'énergie avec certaines sources telles que le charbon. Et il y a des gens qui comprennent bien que l'environnement est endommagé. Donc lorsque je parle aux gens, la première chose que je fais, c'est que j'écoute, qu'ils soient climato-sceptiques ou simplement curieux, ils ont des choses à dire. Et c'est pas la peine de prendre les gens de haut pour leur expliquer quoi faire. Il faut établir un dialogue. Il faut tirer profit de la sagesse et des connaissances des gens. Par exemple, en Australie, dans le secteur rural, il y a là des agriculteurs qui sont là depuis des années et qui en savent très très long sur le stockage du carbone dans le sol. Ils savent comment utiliser différentes techniques pour qu'il y ait des plantes qui poussent en permanence sur leur exploitation. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est un dialogue. Et encore une fois, ne jamais prendre les gens de haut pour leur expliquer quoi faire. Et puis, vous le rappelez, économiser l'eau, l'énergie, acheter des voitures hybrides, éteindre les appareils électriques quand on ne s'en sert pas. Ce sont ces petits gestes aussi au quotidien qui peuvent faire la différence et donc faire que les citoyens prennent conscience qu'ils forment une armée humaine face à ce conflit et que lutter contre le réchauffement climatique, c'est aussi une implication citoyenne. Alors, qu'est-ce que vous dites, Tim Flannery, à ceux qui vous répondent que transformer sa vie en un quotidien éco-responsable coûte cher? Lorsqu'on parle aux gens, on se rend compte que l'argent, évidemment, joue un rôle important. Mais au fil des dernières années, cette préoccupation s'est amoindrie. À Copenhague, lorsque je parlais d'énergie solaire, les gens inévitablement me parlaient du coût de l'énergie solaire. Mais aujourd'hui, à Paris, nous sommes 5 ans après Copenhague et le coût de l'énergie solaire a été divisé par 2. Donc on parle plus en termes d'opportunités que de coûts. Évidemment, il faut faire attention aux coûts. Il ne faut pas envisager de coûts qui ne soient pas réalistes. Mais je crois que les gens vont bien agir s'ils ont la possibilité de le faire. Et je voudrais en profiter pour dire que les actions entreprises par les milliards de gens concernés ont eu un impact fondamental. D'ores et déjà, quand on change une ampoule ou lorsque l'on fait un petit geste pour préserver l'environnement, on se dit « Ah, je suis peut-être seul à faire ça, ça ne sert à rien ». Eh bien non, sachez qu'il y a des millions de gens qui font comme vous. Il y a un rapport qui vient de sortir disant que les émissions en 2014 étaient stabilisées justement grâce à ces millions et ces dizaines de millions de milliards de petits gestes qui arrivent à des gains d'efficacité énergétique très importants. Autrement dit, nous devons nous féliciter dès que l'on change une ampoule et pour utiliser une ampoule basse consommation et on contribue tout un chacun par nos petits gestes au quotidien à ce grand changement. Mais comme vous l'avez écrit, hein, si la climatologie avance à pas de géant dans certains pays, la politique reste à la traîne. Le plus difficile, c'est certainement de faire pression sur les industriels et les gouvernements. Le Conseil pour le climat que je dirige aujourd'hui en Australie met l'accent sur l'éducation aux individus, aux citoyens, parce que évidemment le changement viendra des citoyens. Alors évidemment, ça va moins vite que si on avait des changements politiques, mais en Australie et ailleurs, on a appris qu'un gouvernement peut mener une politique, peut-être efficace, puis arrive une autre administration qui n'adopte pas la même politique. Et donc, on en arrive à la conclusion qu'il faut éduquer les gens petit à petit, faire montre de pédagogie. C'est comme ça que l'on arrivera à un changement durable et à un mouvement important. Parce que nous sommes tous clients d'entreprises. Et si on a le choix d'exprimer nos désirs envers tel ou tel produit ou service, ça peut être un changement extraordinaire. Même chose avec le bulletin que l'on met dans l'urne. Ce serait formidable si on pouvait agir de manière plus efficace et plus rapide, mais je n'ai pas trouvé d'autre méthode que de faire appel à vos citoyens un par un. Et oui, vous nous rappelez que l'argent reste le nerf de la guerre et que nous sommes maîtres de notre porte-monnaie, c'est important. En même temps, vous exprimez dans vos livres, Tim Flannery, le fait que le pouvoir des citoyens, le pouvoir des populations peut aller bien au-delà, c'est-à-dire que peut-être que nous sommes à l'aube de procès de populations qui pourraient introduire des class action et faire valoir le droit constitutionnel à un environnement vivable. Les recours collectifs constituent, à mon avis, quelque chose de plus en plus important. Il y a des choses fantastiques qui sont en train de voir le jour. En Australie, par exemple, nous avons donc ces centrales au charbon qui tuent des dizaines de milliers de personnes tous les ans sous prétexte qu'on veut s'éclairer. C'est ridicule. Et donc j'espère qu'il y aura des recours collectifs des victimes, des gens qui se retrouvent à l'hôpital sous prétexte qu'ils ne peuvent plus respirer à cause de cette pollution, ces maladies qui résultent de l'utilisation du charbon. Ainsi, on pourra engendrer le changement et arriver à une justice sociale bien meilleure. Même les gens qui travaillent dans les mines de charbon ou dans ces centrales au charbon comprennent à quel point c'est injuste ce système. Ça ne va pas du tout. Il faut du changement. Donc le recours collectif, oui, c'est très important. Il faut que les responsables soient tenus pour responsables lorsqu'ils polluent l'atmosphère. Ça devrait faire partie du cycle de la justice. Il y a un rituel à la fin de la marche des sciences spéciale Grand Portrait, Tim Flannery. C'est un des participants vous pose une question. Et là, la question a été posée par votre amie Olivia Chow. When your youngest son becomes 50 years old, what would our world be like? Quand ton fils aura 50 ans, comment sera le monde? Now that will be 2063. On sera en 2063. You know, if I was living in 1915 rather than 2015, and someone si on était en 1915 ou 2015 et qu'on me demande comment serait le monde en 1963, je me suis dit que je dirais que je serais à cheval dans Paris et peut-être qu'on serait on the brink of going to the moon with nuclear power, with jet aircraft, with space. On serait évidemment à la Première Guerre mondiale, et imaginer ce qui se passe en 1963, c'est impossible, avec le programme Apollo et le fait d'envoyer un homme sur la Lune, c'est impensable. Mais s'agissant de 2063, je suis optimiste, mais ce sera difficile, et il y aura plusieurs décennies de lutte acharnée. Mais en 2063, à condition que l'on réduise nos émissions de carbone, que l'on conserve notre biodiversité, que l'on investisse dans de nouvelles technologies pour retirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère, j'espère que mon plus jeune fils vivra dans un monde meilleur que celui que nous connaissons aujourd'hui, mais cela exigera de notre part des efforts énormes. Qu'est-ce que vous attendez de ces grands? Mes attentes, j'ai appris à les modérer, mais j'espère qu'à la COP21, on arrivera à un accord visant à agir, et j'espère qu'on se mettra d'accord pour une fréquence de réunions permettant d'améliorer les engagements et élargir leur point de vue quant à ce qui doit être fait. Si on arrive à un accord à Paris, ce sera un grand pas en avant. Ce sera la fin du début et le début d'une nouvelle ère. À nous de jouer donc, à nous les faiseurs de pluie, Tim Flannery, pour les générations d'après, c'est votre message. Et là, nous sommes en train d'écouter un opéra, parce que vous êtes adepte d'opéra et de musique baroque, je crois. Et là, est-ce que vous l'avez reconnu, celui-ci ? Julius César, Handel. Yes, Julius César, yes indeed. But faster. Yes, so beautiful. Wow, what a gift, huh? That we still have music like that in the world. C'est formidable d'avoir ce cadeau de la musique. Alors la musique et la nature, Tim Flannery, ça se marie merveilleusement bien. Oh well, music I think comes from nature. À mon avis, la musique vient de la nature. It I'm sure derives from the singing of the birds that our ancestors heard every morning. Émane du chant des oiseaux. Yes, they go together very well. Oui, la musique et la nature vont très bien ensemble. Would be pretty dumb. Et la vie serait terne s'il n'y avait pas la musique ou la nature. Merci Tim Flannery d'être venu nous voir. Et bon séjour à Paris, et je rappelle les titres de vos livres, Les Faiseurs de pluie, à retrouver donc aux éditions Point, Héloïse d'Ormesson, Sauver le climat, tout est encore possible chez Bûcher Chastel, et puis Agissons pour sauver la planète chez Héloïse d'Ormesson. Et c'est la fin de la Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Catherine Donnet, Catherine Decopé, Anaïs Morales, Xavier Combe pour la traduction. À la réalisation, Alexandra Malka. Et à la technique, Jean-Frédéric Virtuose aux manettes. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Serge Kahn pour une émission sur l'explorateur des régions polaires, Jean-Baptiste Charcot. Mais d'ici là, demain, autre rendez-vous de Culture Science à ne pas rater. À 14h, vous avez rendez-vous avec Michel Albergantier, Sciences Publiques. Et puis tout de suite, à 15h, dans Culture Musique, vous retrouverez l'émission de Mathieu Garrigou-Lagrange. Mais dans un instant, ce sont les bonnes feuilles du jour qui vous attendent. Très bon après-midi sur nos antennes. Et puis gardez bien en tête que nous sommes les faiseurs de pluie.